Bonsoir à tous, soyez bénis, soyez immensément bénis, immensément bénis. Ce soir également, ça démarre comme d'habitude, ça démarre comme d'habitude. Si vous êtes là pour m'insulter, vous êtes très mal parti parce que je suis là pour bénir ceux qui me bénissent et pour maudire ceux qui me maudissent, ceux qui mal parlent, ceux qui insultent. Dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, ceux qui te maudiront seront maudits. Je maudirai ceux qui te maudiront. Écoute-moi bien, Abraham devait combattre. Vaincu, c'est pourquoi Abraham a toujours vaincu ses ennemis. Donc c'est moi qui dois se mettre au travail pour maudire tous ces gens. Tu dois te maudire. Tu viens là pour m'insulter parce que je suis là pour bénir le peuple, pour enseigner, pour révéler, pour prier. Et toi, tu ne veux pas que cela soit fait. Sache que tu es détruit, ta vie sera détruite. Je te maudis correctement et ta vie sera abîmée. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter et qui sont en train de partager. C'est une œuvre d'évangélisation. L'ennemi ne veut pas que l'évangile soit prêché. Il ne veut pas. C'est pourquoi il passe le temps à vouloir nous maudire. Non, il ne veut pas nous maudire. Je renvoie tout ce que vous faites sur nous. Sur tous les enfants de Dieu, les rangs. Alors, 35e jour, il ne reste que 5 jours. Il ne reste que 5 jours, 40 jours. Et c'est le dernier dimanche. Ce dimanche demain, ça sera le dernier dimanche. Le dernier dimanche. Dit que tu ne dois pas rater le culte de demain matin. Que ce soit à Paris, que ce soit à Yaoundé, Douala, partout, et aussi, c'est très important. Si quelqu'un m'a suivi en France, il doit faire tout et tout. Tu m'as suivi en France, tu dois prendre ton TGV pour venir directement. Pour venir directement, c'est important. Soyez bénis. Partagez parce que c'est une campagne d'évangélisation sur les réseaux sociaux. Parce que le diable envoie beaucoup, ils n'évangélisent pas. Ils ont une mission. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu pour commencer. Deuxième mission, ils disent qu'ils ne font que saboter ceux qui annoncent l'évangile. Ils disent que une mission de dénoncer. Il n'y a pas une mission de dénoncer dans la Bible. ni un ministère de dénoncer dans la Bible. Ça n'existe pas, dénoncer les gens dans la Bible. Non, ça n'existe pas. C'est un ministère satanique et démoniaque. Je précise, c'est un ministère satanique et démoniaque, l'accusateur de vos pères. Ils sont là pour accuser. Ils disent qu'ils sont là pour dénoncer. Tu es qui pour dénoncer? La Bible dit, prie. Si tu vois ton frère commettre un péché, prie et Dieu donnera la vie. Dieu n'a pas jamais dit d'aller dénoncer. Donc, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu tombent entre les mains de ces gens sur les réseaux sociaux parce que c'est pour eux, c'est ça qui marche. Quand tu commences à dénoncer, à insulter, à calomnier, et là, beaucoup de gens viennent se connecter afin qu'ils soient... Mais l'objectif de Satan est que tu sois sacrifié. Que tu sois sacrifié. C'est pourquoi tu viens sur les réseaux, et les gens viennent donc sur les réseaux pour insulter, pour critiquer. Ils utilisent les serviteurs, les noms des serviteurs de Dieu. Ils utilisent également les phrases. Une phrase qu'un serviteur de Dieu a prononcée, il a prêché toute une 30 minutes. Et lui, il va copier ce genre de sataniste et démon. Il va prendre seulement une phrase que le serviteur de Dieu a dit. Il commence à dire que voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a dit. Ce sont des manipulateurs. Ce sont des manipulateurs et vous tombez, ils vont vous amener tout simplement à blasphémer contre le Saint-Esprit et vous serez condamné d'office pour aller en enfer. Ce n'est pas le thème que nous abordons aujourd'hui. Nous continuons dans nos prières. Et dans ces prières, c'est très important de vous l'annoncer que véritablement, ça fait du bien aux gens. Ne ratez pas de donner votre témoignage en disant « depuis que j'ai commencé ». Vous savez, la Bible déclare que ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Tu es incapable de faire un commentaire. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie depuis que moi j'ai commencé à le suivre. Rien que en mettant ce témoignage-là, parce que je suis en train de te regarder, je lis, je vois mes photos, je lis tout ce que tu peux. C'est pourquoi aux gens de ne pas tenter, tu tentes là de dire un mot déplacé contre moi, contre l'œuvre de Dieu, contre Jésus. Je suis là pour la défense de l'évangile. Je veux, par moi, Dieu va détruire ta vie. C'est-à-dire une parole qui sortira de ma bouche et Dieu détruira cette vie, ta vie, Dieu détruira ta famille, Dieu détruira tout ce que tu fais pour que tu es né dans la perdition. Et alors, il faut annoncer l'évangile pour que les gens soient sauvés. Si les gens viennent vous dire que je suis là pour défendre, tu ne peux pas défendre quelqu'un que tu n'as pas amené au Seigneur. Tu vas le défendre par rapport à quoi? Il est dans une famille comme un enfant. Moi, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Et puis, je nourris mes enfants. Et toi, tu viens de l'essayer en disant, je viens défendre les enfants du docteur et son. Mais ça ne peut pas marcher. Et c'est ceux-là qui enseignent des fausses doctrines en disant, les brebis ne sont pas les brebis de quelqu'un. Conducteur. Et qui est ton conducteur? Obéissez à vos conducteurs. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la différence parce qu'ils veillent sur vos âmes. Jésus ne veille pas sur l'âme de qui que ce soit. Lisez correctement votre Bible avant que vous ne soyez emporté par des gens mal intentionnés qui viennent vous raconter des bêtises. Obéissez à vos conducteurs. Qui est ton conducteur? Qui est ton conducteur? Il dit, obéissez. Jésus ne conduit personne. Quand quelqu'un vient de nouveau, la personne entre dans une famille. Et cette famille, c'est l'église de Jésus, locale. Où tu es né de nouveau, tu entres, il faudrait que tu sois enseigné selon Actes chapitre 2, à partir du verset 41, 42. Et là, tu es enseigné, persévéré dans l'enseignement des apôtres. La Bible dit, après avoir entendu ces discours, verset 37, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, hommes, frères, que ferons-nous? Et quelle a été la réponse de Pierre? Répentez-vous. La repentance égale identification de l'acte qui a amené des problèmes dans ta vie. On doit identifier d'abord le premier acte qui est le péché originel et les péchés de nos ancêtres et nos propres péchés, on doit les identifier. Demander pardon à Dieu en les identifiant, en les citant, en demandant pardon à Dieu, en invoquant le sang de Jésus, le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans la nouvelle naissance. Et puis, la Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Le baptême suit donc, tu reçois le baptême dans une église appropriée. Et dans cette église où tu es né de nouveau, tu reçois le baptême, il faudrait alors que tu sois enseigné. Et c'est pourquoi tous ceux qui m'écoutent doivent commencer à se préparer parce que tu reçois le Seigneur par moi, même si c'est sur les réseaux sociaux, tu es mon enfant spirituel. Et c'est pourquoi j'ai dit hier que vous devez vous préparer à venir dans les retraites. tu reçois le Seigneur, viens à la retraite. À la retraite, il y a beaucoup de choses qui sont enseignées. La parole est enseignée, les révélations sont données, on doit prier pour toi. Tu as beaucoup de problèmes, si, même si tu penses que tu n'as pas de problème, il faut venir. Et c'est à l'hôpital que l'on détecte, en prenant une goutte de sang dans tes veines, on détecte que tu as des microbes, des virus et autres. Pourtant, dans ta tête, puisque tu n'avais pas encore les maux de tête, tu n'avais pas encore mal et tu penses que tout allait bien. Pour toi, tout allait bien. Mais quand le médecin prend ton sang, il trouve que effectivement, ça ne va pas. L'âme est dans le sang et c'est dans ton âme qu'il y a des problèmes, tous les problèmes nécessaires. Donc ici, lorsque la Bible dit que Dieu a créé la terre avec une intention, l'intention de notre Dieu et l'objectif de la création, Dieu voulait créer le monde. Et c'est pour des raisons bien précises. Première raison, Dieu a créé le ciel et la terre pour manifester sa gloire, sa majesté et sa puissance, premièrement. N'est-ce pas, le roi David a écrit en disant, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Psaume 19, verset 2. « L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Vous voyez, lorsque nous contemplons l'ensemble de la création depuis l'immense étendue de l'univers jusqu'à la beauté et aussi à l'ordre de la nature, c'est-à-dire il a mis tout a été créé avec un ordre, d'une manière. La nuit s'en va, le jour approche, il y a les saisons qui sont là, il y a les arbres qui sont là. J'étais dans la voiture tout à l'heure avec mon épouse et puis on a traversé toute la zone, une zone très montagneuse. Mais la manière que les Blancs ont créé des autoroutes sur cette zone, tu restes comme ça, quand tu es dans la voiture, tu ne fais que glorifier le Seigneur. Tu ne feras que glorifier et tu verras la grandeur de Dieu. Et j'ai bien compris le verset 18, Romains chapitre 1, le verset 18, où la Bible déclare que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Vous retenez la vérité captive lorsque vous n'annoncez pas l'évangile. Est-ce que vous le savez, vous, enfants de Dieu, vous retenez la vérité captive. Vous êtes déjà né de nouveau, mais vous ne pouvez pas expliquer aux gens que Dieu existe, c'est Dieu qui a créé la terre. On enseigne des bêtises aux enfants à l'école que Dieu n'existe pas, il n'a pas créé la terre, nous sommes nés de suite d'une évolution, des conneries que l'on raconte. Et c'est le travail des illuminatistes, c'est le travail des sorciers, c'est le travail de Satan lui-même, pour que la foi que tu peux avoir en Dieu et pour que tu sois sauvé, il faut que tout cela soit arrêté. Vous voyez, Dieu a créé le ciel et la terre de façon à ce que, de façon à ce qu'à lui revienne toute la gloire. À lui revienne toute la gloire. Il avait des objectifs. À lui revienne toute la gloire, l'honneur, les éléments de la nature, le soleil, la lune, les arbres, de la forêt. La pluie également, la neige, les fleuves, les ruisseaux, les montagnes, les collines, les animaux, aussi les oiseaux, exaltent tout de Dieu, exaltent tout, le Dieu qui les a créés. Vous voyez, c'est écrit dans le livre des Psaumes 98, versets 7 à 8. Quand vous lisez la Bible, à combien plus forte raison Dieu ne désire-t-il pas et ne s'attend pas aussi de recevoir la gloire, les louanges des hommes qu'il a créés? Mais aujourd'hui, quand tu entends un homme ouvrir la bouche, il dit « c'est génial ». Est-ce que c'est Dieu qui reçoit la gloire à ce moment-là? Voici le départ également, c'est le péché originel. Et c'est dans notre sang, la malédiction originelle qui a fait de nous les fils de Satan. Et par nos actes, par nos paroles, nous adorons Satan. Nous adorons Satan. Tu entends? C'est facile de dire « c'est génial ». C'est facile de dire que j'ai la chance. Ça, ce sont des manifestations, des envoûtements par transfert de nuisance. Parce que ça va te détruire, ça va te détruire. Tu ne parviens pas à adorer ton Dieu, à louer ton Dieu, à s'intéresser aux choses de Dieu. Et c'est pourquoi tu serais incapable de se lever pour aller réellement dans une église dimanche pour aller adorer Dieu. Tu seras incapable. Tu vas à l'église quelque part parce que tu as besoin seulement de la délivrance. Tu as besoin que tes affaires sur la terre marchent bien. Tu as besoin que l'on prie sur toi, que l'on prophétise sur toi. Et c'est pourquoi Dieu, parfois, ne réagit pas. Dieu a créé, et tout ce qu'il a créé dans le monde, avant le péché, je précise avant le péché, tout ce que Dieu a créé dans le monde avant le péché, avait un but. L'homme ne devait pas tomber malade. Pourquoi l'homme ne devait pas tomber malade? Est-ce qu'il n'allait pas manger? Oui. Est-ce que Dieu a créé les microbes après? Non. Il a créé les microbes, les virus, mais ces choses n'étaient pas dangereuses. Est-ce que Dieu avait créé aussi des animaux après le péché ou avant? C'était avant la chute, mais l'animal n'était pas dangereux pour l'homme. Le poisson n'était pas dangereux pour l'homme. Et également, les insectes, les serpents n'étaient pas dangereux pour l'homme. Rien ne... Tout est devenu dangereux et du poison. Même les herbes aujourd'hui ont du poison. Certaines herbes, tu manges ça, tu meurs. Certaines racines, tu manges, tu meurs. Mais avant, ça n'avait jamais été comme ça. Les racines avaient leur rôle, les fruits leur rôle, les feuilles leur rôle, ce qu'on devait manger. Et l'homme devait vivre éternellement rien que par les choses qu'il allait manger. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 29, quand vous lisez, Dieu donne la nourriture. Nous lisons d'abord à partir du verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit. Quand il a fini de créer le couple, il les a bénis. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les créatures, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se terre. On doit dominer. Mais aujourd'hui, tu vois l'inverse. C'est maintenant après avoir reçu le Seigneur. Et la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ah, mais les dominations, pourquoi ils sont devenus des dominations? Ils dominent les êtres humains. Ils ont pris tout ce qui devait nous faire vivre éternellement. Est-ce que vous le savez? Ils commencent à dominer. Maintenant, pour dominer, il faut lutter. Ça veut dire que ceux qui ne luttent pas ne peuvent pas dominer. Il faut lutter. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 12, il faut lutter. Donc si vous ne luttez pas, vous ne pouvez pas dominer. C'est pourquoi vous allez rencontrer des chrétiens, entre guillemets, vraiment ce ne sont pas des chrétiens nés de nouveau. On peut les considérer comme des chrétiens. Ce n'est pas une insulte, mais c'est une vérité. C'est vraiment des chrétiens. Alors, la Bible qui est la parole de Dieu déclare que nous devons lutter contre les dominations. Voilà que toi, tu es né de nouveau et tu ne luttes pas. Et ces dominations vont te dominer. Parce que les dominations utilisent la nature pour te dominer, la nourriture. Hier, j'ai parlé des jeûnes où les gens meurent. Enfants de Dieu, ils sont en train de mourir. Ils commencent un jeûne, ils trouvent la mort. Et sa famille commence aussi à attaquer le pasteur qui a imposé ce jeûne à cet homme, qui a imposé ce jeûne à cette femme. Commence à attaquer le pasteur. Et c'est normal. Parce que c'est le pasteur qui a induit le monsieur, la femme, en erreur. Et c'est pourquoi il y a autant de problèmes aujourd'hui. Parce que les gens s'élèvent seulement. Ils ne maîtrisent même pas ce qu'ils disent. Ils ne sont même pas d'abord nés de nouveau. Ils prêchent. Ils n'ont aucune connaissance scientifique. Scientifique veut dire c'est la sagesse de Dieu. Mais si, même si Satan aurait perverti cette sagesse en disant que, en faisant croire aux gens que c'est lui qui donne la sagesse, si vous lui faites confiance, c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement? Lorsque tu as cette sagesse, tu commences à comprendre que chaque herbe, chaque aliment que Dieu avait créé, ces aliments ont un rôle très important dans notre corps. Le Saint-Esprit ne joue pas ce rôle. Pour commencer, c'est pourquoi nous traversons des moments difficiles, difficiles dans notre vie, parce qu'on pense que le Saint-Esprit fait tout. Le Saint-Esprit ne te dira jamais qu'il faut bien s'habiller pour se présenter devant les gens. Le Saint-Esprit te dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Alors nous mangeons pourquoi? Est-ce qu'on doit manger seulement parce qu'on a faim? Non, je ne pense pas. On doit manger parce que les aliments que nous mangeons, selon la parole de Dieu, doivent nourrir notre corps. Et vous pensez que ça nourrit seulement le corps pour que tu grossisses, pour que tu sois géant, pour que tu aies une bonne santé naturelle, que tu sois sans maladie? Non, je vais... Suivez-moi très bien. Je m'en vais vous surprendre. Il y a des aliments et que je ne peux pas dévoiler ici, c'est quand toi tu viendras au séminaire que, ou bien à la retraite, il y a des aliments qui avant la chute devaient donner la santé à Adam, devaient donner l'intelligence à Adam, devaient donner, parce que Adam n'était pas supposé prier, Adam n'était pas supposé faire autre chose. Dieu avait donné du travail à Adam. C'est pourquoi je dirais aujourd'hui, je ne prêche pas pour le mariage, ni pour les problèmes de mariage, mais je dirais tout simplement, lorsqu'un homme prétend t'épouser, toi, ma fille, tu es née de nouveau, et il y a un homme qui te dit, vous êtes dans la même assemblée, et qui dit, je veux t'épouser. Ok, tu veux m'épouser, tu travailles, qui ne te parle pas de la foi. Dieu n'a pas dit à Adam, je dis bien, Dieu n'a pas dit à Adam que tu vas manger par la foi. Non. Dieu, quand il a créé Adam, avant Ève, avant l'arrivée de cette femme Ève, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Il a dit à Adam, je te mets ici pour cultiver et pour garder ces animaux. Il a donné du travail. Avant de penser, et pendant qu'Adam était en train de travailler, et Dieu a vu que monsieur Adam était un peu malheureux, il y avait des choses qui ne marchaient pas, il n'avait pas vraiment cette joie. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Une aide par rapport à quoi? Par rapport à ce travail que Dieu a donné. Toi, tu n'as pas de travail et tu vas chercher femme. Tu vas chercher femme dans l'assemblée pour lui parler de la foi, pour dire que voilà, comme tu me vois là, j'ai rêvé. Est-ce que Adam avait rêvé? Là, nous sommes de retour. Quand tu reçois le Seigneur Jésus, tu reviens dans le jardin d'Éden, le jardin que monsieur Adam avait perdu, que madame Ève avait perdu, que nous avions perdu. Là où Satan règne, là où les démons règnent, là où les ténèbres règnent. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, comme Adam, avant la chute, tu repars dans le jardin d'Éden. Mais quand tu reviens dans le jardin d'Éden, dans ce jardin d'Éden, il y a aussi une façon de manger. Il faut avoir la connaissance sur les choses que tu manges. Si tu n'as pas la connaissance, tu manges seulement à cause de la saveur, à cause de la famine, parce que tu as faim. Je te le dis et je te le promets, tu ne vivras jamais longtemps. Même si tu pries comme les cloches d'une église catholique, tu ne feras pas de grand progrès dans ce monde en tout et pour tout. Et je m'en vais vous surprendre tout à l'heure, je vais vous dire des choses très graves, peut-être que vous ne maîtrisez pas. Écoute-moi bien. Et c'est pourquoi je vous ai dit dès le départ que Dieu a créé l'humanité avec un but. Dieu a créé la terre afin de disposer d'un lieu où son intention et ses objectifs pourraient s'accomplir. Dieu a créé Adam et Ève à son image, afin de pouvoir avec eux d'une relation tendre et personnelle. Il y a mon épouse qui disait dans la voiture tout à l'heure, pendant que je conduisais, elle dit ceci. Vous voyez, Jésus nous a permis, pour aller voir un président de la République, je ne pense pas que ici à Yaoundé, dans la capitale du Cameroun, tu peux seulement se lever et entrer au palais présidentiel et dire que je suis venu voir Paul Biya. C'est pratiquement impossible. Ici en France, c'est la même chose. Tu ne peux pas te lever et dire que je suis venu voir l'homme qu'on appelle Macron. Mais tu vas passer par quelle route, par quelle voie? Dès qu'il est déjà nommé ou bien élu président, mais c'est fini. Il est déjà président. C'est-à-dire, il est casé quelque part avec des garde-corps, avec tout un système tellement lourd que pour le voir ou bien pour que ton dossier arrive, il faut. Écoute, nous avons affaire à un Dieu créateur de toute l'humanité qui dépasse tous les rois du monde. On venait juste d'enterrer un président français, perd son âme. Le président Chirac, un ex-président français, président Chirac. Mais il est mort. Tous les présidents vont mourir. Tous les rois meurent. Depuis Adam jusqu'à nous, il n'y a aucun roi qui vit éternellement. Il n'y a aucun président qui doit vivre éternellement. Tous doivent mourir. Mais un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui a tout créé, qui est le roi des rois, le tout puissant. Et ce Dieu-là, toi, tu l'adresses la parole, tu parles avec lui. Par une œuvre accomplie sur la croix. C'est-à-dire, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Est-ce que vous savez pourquoi la parole s'est faite chair? Pourquoi il fallait un sang pur pour qu'il y ait une relation? Pour qu'il y ait quelque chose qui peut te permettre de parler à ce Dieu-là? Il est descendu avec un sang pur, avec une chair pure. Et c'est ce sang-là, quand le diable, les démons, Satan parle à ses démons, parle à ses satanistes, il leur demande de boire le sang. Pourquoi les satanistes boivent le sang? Pourquoi les sorciers boivent le sang? Parce que c'est l'ordre donné par Satan. Quand vous allez boire le sang, vous aurez la puissance, vous aurez le pouvoir. Vous allez manger la chair d'un être humain. Vous allez utiliser l'os d'un être humain. Vous allez faire ceci. Ce sont des mensonges de Satan. Parce que c'est un système surnaturel qu'il a vu au ciel et qui marche. Et ce système-là, Dieu a accompli ça lui-même en descendant, en prenant la chair et le sang. Et elle dit, si tu crois, parce que tu es né étant séparé de lui, Dieu, il n'y aura plus d'intermédiaire entre toi et lui. Tu vas lui parler vis-à-vis. Est-ce que tu peux parler à Macron vis-à-vis? Est-ce que tu peux parler à Paul Biya vis-à-vis? Est-ce que tu peux parler à Alassane Ouattara vis-à-vis? Tu peux parler, tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux réellement arriver chez lui comme tu veux? Non. Et Dieu a donné des conditions pour que l'homme revienne dans le jardin d'Éden. Et quand tu reviens, pour revenir dans le jardin d'Éden, il faut passer par le chemin qu'il a tracé. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que quand tu passes par lui, son sang te lave, son sang te purifie. Et tu reçois l'autorisation de rentrer dans le royaume de Dieu, de rentrer dans le palais du royal, du Seigneur, le royaume des cieux. Tu as déjà l'autorisation. Et quand tu parles avec ce Dieu, quand tu te mets à parler avec ce Dieu, tu parles avec lui comme si tu le voyais. C'est pourquoi la Bible parle de la foi, comme s'il était devant toi. Quand tu sais que tu as été lavé par le sang de Jésus, purifié par le sang de Jésus, tu parles avec Dieu, avec assurance. Tu sais que tout ce que tu dis, il écoute. Mais il n'est pas dit que lorsque tu parleras avec sa mère Marie, lorsque tu parleras avec quelque chose de semblable, et puis Dieu va t'écouter. Non, Dieu n'écoute pas parce qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul sauveur. Entre Dieu et les hommes, il y a un seul sauveur, un seul, pas deux. On n'a pas dit Jésus et sa mère. Alors, lorsque vous ajoutez, et les religions ont donc ajouté, lorsque vous ajoutez mère, frère de Jésus, un pape sur terre, mais je vous le dis, vous êtes déçus, vous êtes éloignés, tellement éloignés, parce qu'il n'y a que lui, ce Dieu-là, la puissance de ce Dieu qui passe par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi, par le biais de la théorie de l'évolution aujourd'hui, les adeptes qui prônent cette théorie de l'évolution, ils ont réussi à tromper les gens parce que Satan lui-même, c'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Le père du mensonge, le diable. Il parle de l'évolution, il parle de l'incarnation, comment ils appellent ça? J'ai même de la peine à retenir ce genre de mensonge. Je ne veux même pas que ça puisse sortir de ma bouche. Vous voyez, ça ne doit même pas sortir de ma bouche. Parce que c'est tellement horrible. Même un petit bébé, on ne peut pas le tromper comme ça. Les gens se disent intellectuels et en même temps, ils disent qu'ils sont des fils de la lumière. De lumière. Or, la Bible reconnaît que le diable... La Bible dit qu'il se présente comme un ange de lumière, mais il n'est pas un ange de lumière, c'est un ange déchu. Et le diable fait croire à ses agents qu'effectivement, vous voyez, comme vous voyez là, ils sont en train de me calomnier. Dans la Bible, on passe le temps à me calomnier. Que c'est lui, c'est moi qui est le roi, c'est moi qui est le créateur, c'est moi qui est ceci. Vous voyez ce que je vous donne, alors que c'est un menteur, un petit menteur de rien du tout. Voyons dans l'annonce tout à l'heure, sur le titre de cette émission, comment les gens peuvent détruire une ville, tout un pays? Et comment les sorciers parviennent à envoûter tout un quartier, à envoûter une famille, à envoûter une ville, à envoûter tout un pays? Écoutez-moi bien. Je vous ai dit auparavant que ceux qui ne me connaissent pas, je suis passé par là. Et je suis là pour dévoiler ce qu'ils font de ce côté-là, pour vous amener à comprendre. Si Dieu dit que nous devons combattre, les chrétiens doivent comprendre ces choses et ils vont combattre. Quand ils vont lancer des flèches, quand ils vont lancer les prières, ça va toucher, ça va détruire beaucoup, beaucoup de choses dans le royaume de Satan. Au moment où il y a ce qu'on appelle des élections présidentielles dans chaque pays, je dis que ça se passe comme ça dans chaque pays, des élections présidentielles, des mouvements touchant les histoires de politique ou autres, vous voyez. Il y a ceux qui font des sacrifices humains. À l'approche de chaque élection présidentielle, il y a d'abord les sacrifices humains. Et vous pensez que ces sacrifices humains, c'est seulement quand on égorge quelqu'un. Les premiers sacrifices se passent tout simplement d'une manière surnaturelle. Et personne ne sait ce qui se passe. Ils ont des rituels qui permettent de déplacer une ville dans une forêt. Est-ce que vous le savez? De déplacer une ville dans une forêt. Mystique, surnaturellement parlant. de déplacer une ville dans une forêt. On peut déplacer ta famille dans une forêt. On peut déplacer ta famille toi-même. Toi, tu ne sais pas. Mais Dieu peut te déplacer, peut te déplacer. Mais on voit ta maison seulement sur le même endroit physiquement. Mais Dieu a déjà déplacé ta maison. Un jour, pendant que je devais déjà quitter le royaume des ténèbres, Dieu avait déjà programmé ma délivrance. Il avait déjà programmé ma délivrance. Alors, il y avait la tante de ma fiancée qui s'opposait à notre mariage. Elle s'opposait à notre mariage et c'est des gens qui étaient des croyants, qui sont des croyants, nés de nouveau, habitants de Douala. Et moi, je voulais ce jour-là, je voulais me rendre dans cette ville pour faire quoi? Pour demander la main de cette fille. Et elle était déjà partie rencontrer ses parents, disant à ses parents que voilà, je vis avec quelqu'un qui va venir certainement demander ma main. Et lorsqu'ils ont su, par un rêve, mais ils ont su par rapport à la révélation, parce que ces femmes-là priaient. Et Dieu va leur révéler que le fiancé en question, c'est un sataniste. Le fiancé en question, c'est un monsieur qui n'est pas bien. Ils ont commencé à parler, à dire à la fille, tu ne dois pas épouser ce garçon, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Et puis, dans la soirée, et j'ai été en contact, elle était partie les voir, et quand elle revient, elle me dit vraiment, le résultat est tellement catastrophique. Voici ce que mes tantes ont dit, ils ont dit qu'elles ne veulent rien entendre, qu'elles ne veulent rien entendre. Alors je me suis fâché, je me suis fâché encore, je n'ai jamais été fâché comme ça. Et puis je me suis dit, bon, je veux les exterminer, je veux faire quoi? Je veux les exterminer, je veux les tuer, je veux les broyer, je veux les envoûter. Et j'ai préparé des incantations tout à fait spéciales. Des incantations spéciales. Et je suis arrivé. C'était dans un camp, ce qu'on appelle les camps sikhs. Les camps sikhs à Douala, vers Bonamoussadi. Et puis, je connaissais leur maison. Et quand je suis arrivé, en faisant mes incantations, en plein jour comme ça, dans la nuit, tu vois le bâtiment. Écoute-moi bien, tu vois le bâtiment. Ce qui m'avait sidéré, ce qui m'avait énervé, quand j'ai commencé à faire des incantations pour pouvoir toucher, je suis resté au niveau de l'arrêt bus. Il y avait encore des sociétés qu'on appelait Soutuk à l'époque. Cette société Soutuk à l'époque, je suis resté au niveau de l'arrêt bus. Au niveau de l'arrêt bus, j'ai commencé à faire des incantations. Écoute-moi, à lancer des incantations. Ils étaient chez elles, à la maison. Là où ils habitaient, dans l'un de ces appartements, c'était l'immeuble, un de ces appartements. Alors moi, je lançais les incantations, parce que avec tout ce que j'avais, je les voyais. Je les voyais, tout ce qu'elles faisaient à l'intérieur de la maison, je voyais. J'ai commencé à lancer des incantations. Mais à ma grande surprise, c'était comme si on a déplacé cet appartement, déplacé, comme si on a coupé. L'appartement est sur l'immeuble, vous voyez l'immeuble de plusieurs niveaux. 4 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, et vous êtes là, vous avez un appartement dans cet immeuble, et c'est comme si on a détaché l'appartement, on a détaché, laissant l'immeuble, mais on a détaché. Et je vois l'appartement qui est tellement loin, dans la mer, tellement loin, où je ne pouvais pas arriver. Je ne pouvais pas, il y avait un tel vent, un tel ouragan qui m'empêchait. Tout ce que je disais, tout ce que j'invoquais ne pouvait pas les atteindre. Ne pouvait. Et moi, je voyais ça spirituellement, surnaturellement. Mais quand tu reviens, quand je revenais à moi-même dans la chair, et je voyais l'appartement dans l'immeuble qui était là devant moi. Et c'est le même processus que les sorciers font également. Vous voyez que c'est leur appartement que Dieu avait détaché pour les protéger contre des incantations, pour les protéger contre tout ce qui était fait. Et Dieu a détaché l'appartement. Il a amené l'appartement loin, tiré l'appartement loin, loin de ma portée. Je ne pouvais pas, aucun démon ne pouvait arriver à ce niveau-là. À ce niveau, ne pouvait. Et je voyais ça tellement loin, surnaturellement, spirituellement, tellement loin. Je ne pouvais pas, à perte de vue, cacher. Il y avait de l'eau partout, comme un océan, comme une chute d'eau. Et Dieu va cacher là. Et je ne pouvais pas traverser pour les atteindre. Vous voyez comment Dieu protège ses enfants. Il vous arrive que vous là, je ne sais pas, quand on vous parle de Jésus, vous allez chez les petits féticheurs marabouts. Vous faites confiance aux êtres humains qui peuvent vous mourir demain ou après-demain. Vraiment, vous, je ne sais pas comment vous êtes. Je ne sais pas quel envoûtement ils ont pratiqué pour que vous soyez tellement incrédule. Quelqu'un va donner de l'argent à un féticheur, il commence à faire des incisions. Et ainsi donc, avec la même procédure, qu'est-ce qu'ils font? Les sorciers, puisque vous n'êtes pas protégés. Quand Dieu a déplacé l'appartement, les autres appartements sont restés là. Ils sont restés là. Mais comme l'envoûtement ne leur avait pas été destiné, mais un envoûtement ne peut pas aussi aller, tout simplement, et tomber par terre. Sinon, ça va revenir vers la personne qui a envoyé. Vous voyez, quand elle part, elle rate la cible, l'envoûtement rate la cible et c'est fini. Ça va prendre tout ce qui sont là dans l'appartement. C'est comme une balle perdue. Ça a raté la cible et ça va toucher la personne qui n'est pas née de nouveau. Et alors, s'il y a des enfants de Dieu dans une maison, toi tu habites une maison où il y a des enfants de Dieu, on t'invite à l'église, viens à l'église pour aller prier avec les autres, tu dis non, je ne vais pas. Mais toi tu vas mourir. Parce que quand les sorciers viendront lancer les attaques, c'est toi qui seras pris. C'est toi qui n'es pas protégé. Tu vas pas te protéger parce que tu dors dans la même maison avec eux. Non, écoute-moi bien. Tu te trompes lourdement. Parce que vous dites toujours, oui, il faut envoyer la prière, prier pour moi, aller à l'église, aller prier pour moi. Non, ça c'est de la fausseté. Écoute, Dieu avait détaché que l'appartement. Il a laissé le bâtiment là avec tout ce qui était là-dedans. Et quand les balles perdues, les flèches que la Bible appelle Éphésiens chapitre 6, il appelle ça les flèches du diable. Il appelle ça les flèches du diable. Quand ça arrive, ça doit toucher qui? Ça doit toucher la personne qui n'est pas protégée, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas ce gilet par balle du Saint-Esprit, qui n'est pas né de nouveau. Ça doit te toucher. La Bible appelle ça les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin, Éphésiens chapitre 6. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin, quand c'est destiné à une personne, ça rate la cible, ça doit prendre le voisin, ça doit prendre la voisine, ça doit prendre n'importe qui dans cette maison, dans ce service, ça doit prendre n'importe qui. C'est des choses que je dois vous enseigner pour que vous puissiez. Et pendant les retraites, on enseigne, on entre en profondeur. Je vous parle de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait, de ce que je manipulais. C'est moi qui ai envoyé les esprits. Une incantation, ça veut dire que tu envoies les esprits. Tu les envoies en mission, mais ils ne vont pas revenir sans toutefois atteindre la cible. Parce que s'ils reviennent sans toutefois atteindre la cible, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui es en danger. C'est toi qui es en danger. Et c'est pourquoi ceux qui sont enfants de Dieu de nouveau, quand ils prient, ils ont plusieurs façons de prier. Parce que si la cible n'est pas atteinte, qu'est-ce qui se passe? Quand il repart, il va tuer l'envoyeur. Et quand vous avez l'habitude de dire « retour à l'envoyeur », comme si vous plaisantez. Mais il faut dire « retour à l'envoyeur », ayant véritablement Jésus, étant normalement né de nouveau, étant connu par Jésus, et étant aussi servant le Seigneur. Quand tu dis « retour à l'envoyeur », alors que réellement, il t'a déjà touché. Il t'a déjà touché depuis longtemps. Parce que réellement, en toi, il n'y a pas un système de protection. Et donc dans des villes, qu'est-ce qui se passe dans les villes? Ils font ces rituels qui permettent de déplacer une ville. Comme Dieu avait déplacé l'appartement, il a envoyé. Et c'est ainsi que, pour travailler, il déplace toute une ville. Il déplace la maison, les immeubles, les maisons des gens et dans une forêt pendant la semaine d'incantation. Parce qu'ils ont des périodes d'incantation. Les semaines d'incantation, les nuits d'incantation, les jours d'incantation. Vous voyez, cette période-ci dont nous traversons, c'est une période d'incantation. Peut-être que vous ne le saviez pas du tout. C'est une période d'incantation. Et c'est très important. Vous voyez, très important. C'est une période d'incantation. Et cette période des questions prépare quoi? C'est pourquoi vous allez voir à la fin de l'année des accidents, des morts, des problèmes, vraiment des problèmes graves qui accablent l'humanité. Et jusque-là, c'est des périodes d'incantation maintenant, comme à la veille de toute élection présidentielle dans un pays, de toute élection présidentielle dans un pays, de tout vote, les votes, tout ceci, pour élire les maires, pour élire les députés, pour élire. Il y a trop de choses qui se passent. Trop de choses qui se passent. Et c'est pourquoi Dieu m'a demandé de parler dans ces. Parce que c'est pourquoi il n'y a pas de paix dans nos pays. Exactement parce que ces choses, les chrétiens ne connaissent pas. Ils ne savent même pas comment faire pour prier, pour neutraliser tout ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe donc dans cette ville? Et vous commencez à lancer ces incantations. Tous les bâtiments de la ville dans laquelle vous lancez ces rituels deviennent de plus en plus translucides. Vous voyez? S'entourent de brume et disparaissent lentement spirituellement, surnaturellement. C'est pas toujours, c'est pas physique, mais en plein jour, le bâtiment est là. Je vous ai dit tout à l'heure ce que j'ai vu moi-même. Le bâtiment était là. Ça, c'était la puissance de Dieu. Mais Satan, c'est l'imitateur. Il imite ce qui se passe chez Dieu. Et c'est ce qu'il vient également, merci, pour détruire. Lui fait ça dans le cadre d'une destruction. Il veut à tout prix détruire. Donc, ça disparaît lentement. La ville doit se trouver dans une forêt, mais en plein jour, vous êtes toujours en ville. Volier n'a pas disparu, n'a pas bougé. Bastos n'a pas bougé. Pour ceux qui sont à Yaoundé, Voatanma n'a pas bougé. En plein jour, c'est ça. Mais ceux qui voient, ceux qui sont dans. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas m'aimer? Parce que je dévoile leur technique. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils savent que. Cette ville-là, ce n'est plus la même. Ils ont déplacé pour une période d'incantation. Et toutes les confréries se mettent ensemble parce qu'ils obéissent à un seul maître qui est Satan. Toutes les confréries se mettent ensemble. Donc, les habitants de la ville ne sont pas directement avertis de ce qui se passe parce que les habitants, on les appelle, là, j'ai tellement pitié de vous. Toi, tu dis, je rentre chez moi. Tu sais où tu rentres? Tu sais véritablement où tu rentres dans le cimetière. Tu rentres dans le cimetière, ta maison, pendant qu'ils déplacent la ville comme ça, ta maison devient un cimetière où tu habites là, ça devient un cimetière. Il y a un problème, par exemple, il y a un de mes cousins qui sortait avec une femme travaillant dans la ville de Douala. Il travaillait dans la ville de Douala, il sortait avec une femme. C'était, il voulait épouser effectivement cette femme-là. Voulant l'épouser, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il allait, il quittait faire son chantier. On construisait le barrage de son loulou, le barrage hydroélectrique de son loulou. Et à l'époque, j'étais encore vraiment à l'école. Et ainsi donc, sa femme, pendant les heures creuses, qu'est-ce que j'appelle les heures creuses, puisque le mari n'est pas là, généralement, les femmes le font. Et elle va donc se faire draguer. Il va l'amener en boîte. Son mari n'était que maçon qui ne gagnait pas vraiment grand-chose. Il rencontre donc, c'était une belle femme d'ailleurs, il rencontre donc un monsieur, une personnalité en plein jour. Et la personnalité de ce monsieur va l'inviter en boîte de nuit. Et ils sont partis en boîte de nuit. Elle avait un enfant. Et elle a laissé l'enfant dans la maison en train de dormir. Et qui a envoyé l'enfant? Le monsieur, tout simplement, dit à la dame, laisse, il ne va pas se réveiller. La dame se disait, oh, j'ai un enfant, il peut se réveiller dans la nuit. Ou mon mari dit, oh non, non, non, ne t'ennuie pas, le mari ne viendra pas, je sais qu'il ne viendra pas. Oh, puisque c'est un monsieur compliqué, il a envoyé l'enfant dans le sommeil. L'enfant a dormi toute la nuit. Ils sont partis en boîte. En partant en boîte, et puis ils ont commencé à danser, à danser, à boire, à danser, boire, à danser. Nous sommes dans la ville de Douala, pour ceux qui connaissent bien. Il y a un cimetière qu'on appelle vers Nebel, un cimetière là, en allant vers Cité des Palmiers. Il y a un cimetière, grand cimetière. Et c'était ici que le monsieur dira, en boîte de nuit, il va dire à la fille, bon, 4 heures du matin, il faut qu'on rentre, on va chez moi. Puisque moi, je ne peux pas dormir chez toi. Toi, tu vis avec un monsieur. On ira chez moi. Effectivement, ils sont partis chez le monsieur. La fille, dans la voiture, quand ils sont sortis de la boîte, la fille a vu la voiture. Mais cette voiture, tu ne l'avais pas quand on venait. Tu avais, on a. enfant qui a déposé. Mais c'est qu'elle ne réfléchit pas, elle ne peut plus réfléchir parce qu'elle est déjà en train. Ils ont pris la voiture. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ils arrivent. Ils débordent les quartiers, dépassent les quartiers. Ils arrivent dans un quartier tellement joli que la dame n'a jamais vu. Elle vit dans la ville de Douala depuis longtemps. Quartier avec des maisons somptueuses, des maisons merveilleuses. Ils sont entrés et puis le portail va s'ouvrir seul. La voiture entre, la voiture gare et puis quitte la voiture. Ils entrent dans la maison. Ils entrent dans la maison, dans la chambre plume. Et dans la chambre plume, vous imaginez déjà ce qui peut se passer dans cette chambre. Entre un homme et une femme, des rapports sexuels jusqu'au petit matin. Et quand le sommeil l'emporte, cette femme-là, le sommeil l'emporte, là, quand elle se réveille le matin, après les rapports sexuels avec ce monsieur, elle se réveille le matin, elle est couchée sur une tombe, sur le béton d'une tombe, au cimetière. Au cimetière, ses habits, son slip est accroché sur la croix du cimetière et en même temps, son soutien accroché sur la croix du cimetière, ses habits accrochés sur la croix du cimetière. Elle-même est couchée gaillardement sur la croix sur le béton du cimetière, sur la tombe. Et puis, elle entend des cris. Les gens sont en train de crier. C'était des passants qui ont vu une belle femme couchée, nue. Les gens sont en train de crier. Ils pensaient qu'elle est morte. Elle a ouvert les yeux. Je suis où? Ses habits sont accrochés. Et les gens sont venus l'attraper. Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes... C'est comment douce? Elle commence à raconter son histoire. À raconter son histoire. Et dès qu'elle a fini de raconter, la bouche est fermée. Elle n'a plus jamais ouvert la bouche pour parler. Elle ne savait même plus. Elle racontait et regardait les gens comme ça. À gauche, à droite. Elle ne savait même plus. Écoute-moi très bien. Cimetière en question, la nuit, c'était le cimetière. Est-ce que vous savez que le rituel en question qui permet de déplacer toute une ville pour amener dans une forêt, mystiquement, mais pendant la semaine, et ça se fait pendant la semaine d'incantation, tous les habitants de la ville dans laquelle ce rituel est pratiqué deviennent de plus en plus transmis, deviennent de plus en plus bizarres. Ils ne réfléchissent plus. Où les élections présidentielles dans un pays. Et dans tous les pays, ça se pratique comme ça. C'est des choses qui sont pratiquées dans tous les pays. Mais les chrétiens des différents pays ne maîtrisent rien. Ils prient seulement et parlent en langue. Et c'est pourquoi il y a des... Dans les pays, il y a des troubles. Et les gens prennent le sang. Quand on prend l'évangile, les gens ne veulent pas écouter. Vous serez les victimes. Dieu ne peut protéger que la personne qui est née de nouveau. Dieu ne protège pas du tout. Il peut protéger un enfant qui n'a pas encore sa conscience, un enfant d'un homme qui est né de nouveau, d'une femme qui est née de nouveau. Parce que Dieu appelle ces gens-là qui sont saints. Ces enfants sont saints également, selon 1 Corinthiens chapitre 7. Mais si vous habitez seulement dans cette maison, ou bien vous habitez le quartier, comme ça se passe souvent, c'est pourquoi Satan vous pousse à ne pas croire à l'évangile, parce qu'il sait que dès que vous croyez, votre maison ne peut plus être déplaçable dans le mysticisme. On ne peut plus déplacer votre maison. Et vous savez pourquoi on déplace dans une maison? Pourquoi on déplace? On amène ta maison. Mais toi, tu dors dans ta maison, tu te réveilles, tu trouves la même route, les mêmes carrefours, les mêmes voisins. Mais tu ne sais pas que réellement ta maison là s'est déplacée dans la nuit. Dans la nuit. Mais écoute, les habitants de la ville ne sont pas directement avertis. Comprends, seront avertis, ils ne peuvent rien connaître, ne peuvent rien comprendre. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils ne peuvent ne pas être transportés s'ils expriment. C'est-à-dire, ils ne peuvent ne pas être transportés. Ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas transportés. Leur maison aussi mystiquement ne peut jamais être transportée. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui se passe dans tous les pays du monde, même aux États-Unis. C'est pourquoi le diable ne veut pas que les gens réellement reçoivent le Seigneur, qu'on prêche l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile, amener les gens à croire. Ne venez pas seulement regarder, partager la vidéo. Partagez encore la vidéo pour que les gens comprennent dans quel monde ils vivent même. Dans quel monde vous vivez. C'est pourquoi la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier est sous... Le monde entier sous la puissance des démons. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es la nourriture des démons. On te manipule. On te manipule dans les informations, on te manipule dans la religion. La religion, tu n'es pas né de nouveau. On te manipule dans la religion. On manipule en tout et pour tout, tu es manipulé. Et c'est pourquoi beaucoup aujourd'hui ne parlent, même s'ils sont dans les églises. Ils vont dans les églises, mais ils ne parviennent pas du tout à s'exploser, à prospérer, à réussir sur quoi que ce soit. Parce qu'on les transporte toujours, on transporte toujours leur maison. Toujours, toujours. Mais ils entrent, quand tu prends le taxi pour rentrer, tu te dis, je donne la destination du quartier, tu retrouves ta maison. Mais qui te dit que c'est là réellement, c'est cette maison-là. Ici, tout est surnaturel. Tout se tranche dans le surnaturel, dans le mysticisme. Dans le mysticisme. Alors, si tu n'es pas chose qui peut te protéger, c'est la nouvelle naissance. Lorsque tu es né de nouveau, tu n'es plus maniable, tu n'es plus touchable. On ne peut plus jamais te toucher, ni faire ce genre de choses. Et c'est pourquoi Satan hait tout ce qui parle de Jésus dans la vérité. Satan hait tout ce qui annonce l'évangile. C'est très important. Il hait tout ce qui annonce l'évangile. Il doit fabriquer des histoires contre toi pour qu'on ne t'écoute pas. Pour qu'on ne t'écoute pas, que les gens ne viennent pas. Il va envoyer les gens. Quand moi j'étais dans le satanisme, qu'est-ce que je faisais? Je disais aux gens, allez, les filles qui vivaient, qui sortaient avec moi, je trouve en relation avec quelqu'un qui cherche à t'évangéliser, je te dis, il faut aller chez les témoins de Jéhovah. Mais je dis, ben, il faut aller chez les témoins. Si tu veux prier, va chez les témoins de Jéhovah, va chez les catholiques. C'est moi qui t'indique des églises où tu dois aller. Écoute-moi bien, c'est moi qui t'indique des églises où tu dois aller. Parce que c'est qu'en allant là-bas, tu seras vide, il n'y aura rien. Je ferai de toi ce que je veux, je peux faire de toi ce que je veux, je m'en fous. Je veux que tu ailles là-bas parce que tes prières, quand tu vas dans, il y a l'onction du Saint-Esprit, là où il y a l'onction du Saint-Esprit, quand tu vas là-bas, quand tu reviens, tu brûles mes prières, tu détruis tout ce que moi je fais. Alors là, tu n'es plus touchable. Qu'est-ce que je fais? Je dévie, je dois dévier. Je te laisse aller ailleurs. Mais quand on dit église de réveil, vraie église de réveil, parce qu'il y a église de réveil, église de réveil. Il y a vraiment église de réveil, serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. C'est ça le problème. Les vrais serviteurs de Dieu sont toujours persécutés. On raconte toujours plein de choses sur eux. Mais tu vas alors que tu arrives, tout le monde applaudit, tu as des voitures, tu as ceci. Mais écoute-moi bien, Jésus a dit que si on a fait ça sur moi, si on a fait ça sur moi, et toi qui es ces 10 serviteurs de Dieu, tu veux qu'on applaudisse, Dieu, on parle mal de ton pasteur, tu commences à dire, je ne sais pas si c'est une bonne église, pourquoi des gens parlent mal de lui. Vous voulez que les gens l'applaudissent? Est-ce qu'on a applaudi Jésus? On a applaudi ce Jésus-là un jour? Pas du tout. Ce rituel peut être donc lancé que à bord. Vous savez ce qu'on appelle ce rituel est lancé à bord d'un avion spécial. Quel avion? Est-ce que des Boeing? Est-ce que c'est les Boeing 177? Non. Quel type d'avion? Quand on parle du mysticisme, quel type d'avion? Donc ça veut dire que, c'est-à-dire qu'il couvre un nuage spécial, une nuée spéciale au-dessus de la ville. Et c'est ainsi que dans leurs avions, je vais vous expliquer dans l'émission de demain, ce que cet avion, ces avions, et pour un enfant de Dieu, et quand ils font ça, Dieu met le rocher qui suivait les Hébreux dans le désert, ce rocher était Christ. Quand tu n'es pas dans ce rocher, mais c'est fini. Cette bouée va vous toucher, va entrer dans votre maison. Et puis, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Mais pour un enfant de Dieu, c'est-à-dire le Christ, le rocher de Christ vous couvre. Le rocher de Christ, Christ qui est le rocher, vous couvre. Il n'y a rien qui peut vous toucher en ce moment. Et vous restez comme au temps de Pharaon en Égypte lorsque Moïse devait faire sortir le peuple de Dieu. Il y a le destructeur qui devait entrer. Et la Bible déclare que sur chaque maison où il y avait le sang de cet agneau, le sang préfigurait le sang de Jésus aujourd'hui. Quand tu bois le sang de Jésus, que tu vas boire demain là, que tu vas boire demain, quand tu bois le sang de Jésus, et c'est fini en buvant le sang de Jésus, mais c'est grave. C'est grave qu'il va encore te toucher. Pendant 3 jours, lors de la retraite, nous allons boire matin, midi, soir. Tu bois ça comme tu veux, parce que ça sera là des fûts. Tu bois ça comme tu veux. Mais qui va te toucher? Qui va faire voler ta maison? Maison, qui va faire quoi? Et quand on enlève la maison, on enlève la gloire est partie. Ce sont des humiliations qui vont entrer. Parce que c'est pourquoi, à l'approche des élections, il y a ce qu'on appelle les troubles. Les troubles vont arriver, les gens vont mourir. Les gens vont mourir et les gens vont périr. Les troubles de gauche à droite, la pauvreté va entrer dans le pays. Regardez bien le Cameroun. Depuis 90, quand les histoires de démocratie sont entrées, le Cameroun était peu bien avant. Mais quand les histoires de démocratie sont entrées au Cameroun, 90, 91, mais c'était grave. Il y a eu des grèves qu'on a mortes. Le Cameroun a commencé à sombrer, les pays africains ont commencé à sombrer dans la pauvreté, dans la misère. Et à chaque élection, vous avez ce genre d'envoûtement. Toute élection confondue, que ce soit présidentielle, que ce soit députation, que ce soit sénateur, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on appelle élection là, tout pays subit ce que je suis en train de vous dire à partir d'aujourd'hui. Quand on dit pays, c'est toi, sa famille, parce que vous êtes la nourriture de tous ces démons. Et voilà donc comment ça se passe. Et je vous ai dit tout à l'heure que au niveau Dieu a donné les herbes que vous voyez. Pourquoi les fétichistes? Ils suivent les herbes pourquoi? Quand ils disent que je vais te blinder, il va cueillir les herbes. C'est pas qu'il fait quelque chose d'autre. Il met seulement, il y a la puissance diabolique. Mais l'herbe aussi scientifiquement prouvée, l'herbe a ses vertus. La nourriture, ce que tu manges là, a ses vertus. Et c'est pourquoi vous allez voir dans nos enseignements, moi je suis en formation et je suis en train d'étudier ce qu'on appelle la naturopathie, de ce que j'appelle, je suis de profession nutrithérapeute. Donc, la nourriture là, comme tous les scientifiques le disent. Et vous voyez, il y a des éléments, que ce soit les fruits, quand Dieu dit, je vous ai demandé de lire le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 19, verset 29. Dans le verset 29, où Dieu dit, vous devez, donc, vous allez manger ceci. Vous voyez que Dieu ne cite même pas la viande. Il ne cite pas la viande. Tout ce qui avait le sang auparavant est resté dans la pollution. Et au verset 29, qu'est-ce qui est du chapitre 1er, verset 29? Il dit ceci. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la semence et qui a la surface de la terre, virgule. Il donne ça pourquoi? Vous ne comprenez pas pourquoi il dit, je vous donne. Et après, il ajoute, et qui a la surface de la terre? Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. D'abord la nourriture, et puis il donne ça également pour autre usage. Vous savez que l'homme devait vivre éternellement et riche. Adam devait vivre éternellement et riche. Ce sont ces herbes-là, ce fruit, qui devait faire vivre Adam. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu l'avait dit, tu dois manger, tu dois cultiver pour manger. Et ça, c'était utile pour lui. Pour lui-même, Adam, Dieu à l'époque n'habitait pas dans les corps de qui que ce soit, même pas dans le corps d'Adam, il n'habitait pas, il descendait par là avec lui. Et vous savez que par les éléments qu'Adam devait consommer, et ces éléments-là qui devaient apporter tout ce que Adam voulait dans sa vie, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les corps des gens comme aujourd'hui. Parce que notre corps est appelé à mourir. Donc, il doit habiter là pour un temps avec toi. Et quand tu meurs, il enlève l'âme et l'esprit, il monte avec. Ou bien, quand tu es encore en vie, quand Jésus va venir, c'est pourquoi on sera transformé. Je vous amène à un niveau de compréhension de la parole de Dieu qui doit être donné qu'aux pasteurs et aux autres. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas me comprendre. Je suis d'abord un enseignant, donc un docteur de la parole. Ce n'est pas un docteur en médecine, un docteur de la parole. Enseigné à l'université spirituelle de Jésus-Christ lui-même. Formé par lui. Et c'est lui qui a ouvert toutes ces portes pour que je puisse ouvrir également mon cœur, vous enseigner de cette façon. Et c'est le professeur des professeurs, c'est l'apôtre des apôtres et en même temps le bishop des bishops, comme ma chérie a l'habitude de le dire. Bishop des bishops. Ainsi donc, parce qu'elle a écouté avec l'oreille attentive, une oreille attentive et aussi spirituelle, elle a vu que ce monsieur, ce gars n'est pas n'importe qui, réellement. Et c'est tout à fait naturel et surnaturel et aussi normal. Et aussi spirituel. Surnaturel, c'est spirituel aussi. Et la Bible déclare que, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, et ce sera votre nourriture. Avant la chute, il avait déjà dit, tu vas faire quoi? Tu vas, toi, tu C'est pourquoi je vous ai dit, si un monsieur vient te dire que je veux t'épouser, pose la question, tu travailles ou tu fais quoi? Tu travailles, et si tu travailles, un homme qui veut épouser une femme doit travailler. Tu vas nourrir la femme avec quoi? Tu vas dire, oui, j'ai rêvé que je mettais l'alliance. Est-ce qu'Adam avait rêvé? Adam n'avait pas rêvé. Adam avait déjà du travail que Dieu l'avait donné. Il faut d'abord avoir le travail avant d'aller prendre la fille d'autrui. Elle viendra t'aider dans ce travail. Elle viendra t'aider dans le travail que Dieu t'avait donné. Mais toi, tu n'as pas de travail, tu vas prendre la fille d'autrui, elle viendra faire quoi? Elle va croiser les mains et les pieds pour te regarder. Puis vous allez manger quoi? Elle va s'habiller comment? Non, dans mes filles, n'acceptez pas ce genre d'hommes qui s'approchent de vous, qui vont vous dire que nous allons vivre par la foi. Dieu n'a pas dit à Adam que tu vas vivre par la foi. Il a dit tu vas cultiver, il lui a donné le travail. Travaillez, vous les chrétiens, vous êtes les premiers fainéants. C'est pourquoi il y a la paresse, il y a la pauvreté dans vos maisons. C'est pourquoi d'autres disent également, je veux prier. Dieu n'a pas placé Adam là pour prier. Dieu n'a pas placé Adam là pour prier. Dieu a placé Adam pour travailler et pour l'honorer, pour l'adorer. Et également, ça c'est aussi la prière, l'adoration, c'est la prière, c'est un sacrifice. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 15, c'est un sacrifice d'offrir à Dieu le fruit de nos lèvres. C'est un sacrifice de nos lèvres. La parole qui confesse son nom, ça c'est aussi la prière. Mais c'est ça. En travaillant, on le fait en travaillant. Quand Dieu parle donc de la nourriture, selon nos études, c'est pourquoi la retraite est très importante, vous messieurs. Donc, il y a des éléments, il y a des fruits que je ne peux pas vous donner ici. C'est en venant. Et ce fruit-là, quand tu prends ça, pour des personnes facilement surménées, ça résout ton problème de surménage. Les gens qui ont des sauts d'humeur, vous voyez que quand il a des sauts d'humeur, les gens qui sont beaucoup dans le mental, c'est-à-dire ils travaillent avec sa tête, comme moi par exemple, ils travaillent beaucoup plus avec la tête parce que je suis aujourd'hui en train d'étudier architecte de l'intérieur, je suis dans la naturopathie, je suis également dans les affaires de Dieu parce que je lis beaucoup, je prie, je lis la Bible, c'est aussi des études. Et également la nutrithérapie, ça fait trois formations à la fois que je paye parce que quand tu es déjà inscrit dans toutes ces grandes écoles, tu es déjà inscrit, tu dois payer et tu dois donner un rendement. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu pensent qu'ils ne doivent plus étudier, ils ne doivent plus. Il y a même ceux qui travaillaient, ils ont abandonné le travail pour dire que oui, Dieu m'a appelé, allez le servir, je dois être pasteur. Mais fainéant, paresseux, tu es un paresseux, tu es un fainéant. Adam devait servir Dieu dans le jardin d'Eden. Nous sommes déjà de retour dans le jardin d'Eden. Mais nous devons servir Dieu avec nos mains. L'apôtre Paul dit, ses mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre, ici en France, j'aurai des cabinets partout, sous peu de temps, dans quelques jours, des cabinets partout. Cabinets partout jusqu'en Suisse, tu le sais, étant serviteur de Dieu, des cabinets partout. Et puis, pas seulement les affaires, je suis aussi dans les affaires. Mais je voudrais être utile parce qu'il faut que, au niveau de la parole de Dieu, que tout soit de la parole de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu parle de quoi? Quand il dit de travailler et quand il parle de la délivrance, il faut que notre corps soit délivré physiquement. Soit donc délivré physiquement, je dis bien physiquement, délivré. La délivrance passe par les éléments que Dieu, la délivrance physique passe par les éléments que Dieu, quand tu reçois le Seigneur, le démon ne peut plus te toucher. S'il y avait des démons, c'est pas que si, il y avait des démons qui doivent sortir par un travail spirituel aussi, qu'on va vous montrer en venant à la retraite. On vous montre ce travail pour que tous les démons libèrent ta vie, ton âme, ton esprit. Maintenant, au niveau du corps physique, il faut faire très attention. Vous voyez, nous avons donc des éléments, par exemple des fruits que Dieu ordonne de manger. Que Dieu ordonne de manger à Adam. Il ordonne à Adam de manger avant la chute, avant le péché. Mais qu'est-ce qu'il mange aujourd'hui? Il se cantonne sur des qui sont malades. Le jeûne, j'ai parlé du jeûne hier. Rentrez sur la vidéo d'hier, vous allez voir. Je vais revenir là-dessus demain. Pour les personnes qui sont donc facilement, qui travaillent avec le mental, les hommes de Dieu, nous travaillons beaucoup avec le mental, est-ce que vous le savez? Alors, si vous ne mangez pas tous ces fruits, quand vous venez à la retraite, je vais vous donner la liste des fruits, la liste des herbes, ce qu'on appelle légumes et autres, que tu dois manger. pour des personnes qui ont peur de vieillir. Est-ce que vous savez que quand il y a des gens qui ont peur de vieillir, des femmes qui ont peur de vieillir, mais qui utilisent tout simplement des laits de beauté, des laits de bique et autres, ils enlèvent la peau et en enlevant la peau, ils deviennent. Et également des hommes, je vois des hommes qui se décapent, qui enlèvent la peau avec des huiles. Pour des personnes qui ont peur de vieillir, et ça va régénérer le corps physique, permet d'accepter, c'est-à-dire ça va régénérer le corps physique et ça rejette le vieillissement, ça régénère les cellules du corps physique et l'apparence physique également change directement. Et également, les gens me disent, docteur, toi tu ne vieillis pas, je vais vieillir comment? Est-ce que je suis comme toi? Moi je sais ce que je dois manger, je ne suis pas comme toi. Et puis toi tu ne vieillis pas, ils veulent que quand je te donne mon âge, tu vas crier toi. Mais le problème c'est que toi, tu n'as que 35 ans, une fille a 30 ans, mais va voir comment elle est, va voir physiquement comment. Cette femme a 50 ans, présente devant toi. Mais le lait que tu mets sur toi, les parfums que tu mets sur toi, ce sont des trucs polluants qui détruisent ton corps physique, qui détruisent ta santé également. Donc, nous avons également d'autres produits, pas des produits chimiques, donc des fruits, légumes. Quand tu manges ça, pour des personnes qui intellectualisent tout, il y a des gens, même des chrétiens, qui intellectualisent tout, qui ont une intense activité intellectuelle, qui n'ont plus de lien avec le corps physique, qui sont terribles, terribles. Et ces gens-là, s'ils ne consomment pas ça, à partir de cet instant, tu auras des problèmes sérieux. Pour des personnes qui sont trop dans l'émotionnel, qui ne prennent pas assez de recul et qui n'ont plus d'objectivité, ils sont seulement dans l'émotionnel. Tu vois des chrétiens, on dit il y a un grand homme de Dieu là-bas, il y a un miracle là-bas. Il n'a aucun objectif dans la vie. Les chrétiens de maintenant n'ont aucun objectif dans la vie. Ils quittent seulement, ils s'en vont, ils vont s'asseoir. Il y aura un miracle et on va prier pour moi. Tu lui demandes, parfois je fais ça dans l'assemblée, je dis, toi lève-toi. Je veux prophétiser sur toi. Alors, tu veux quoi? La personne commence à réfléchir devant moi. Mais il est quand même venu à l'église. Il s'est levé chez lui pour venir à l'église. Il ne sait plus quoi demander à Dieu. Vous voyez? Il y a donc ces fruits, il y a ces produits qui favorisent la lucidité. Tu deviens une personnalité lucide. Mais ton intuition est aiguisée. Est aiguisée. Donc, c'est un genre, une marque de fruits. Il y en a des milliers de fruits dans le monde que toi, tu ne maîtrises pas. Parce que dans ton village, tu ne maîtrises que mangue, orange, que tu ne touches même pas d'ailleurs, pour commencer. Pour les personnes qui ont des pensées incessantes, qui tournent en rond, des gens qui tournent en rond. Et là, il y a des gens qui tournent en rond, mais qui vont demander des prières. Et alors que Adam ne devait pas tourner en rond, qui devait prier pour Adam? Qui devait prier pour Adam? Dieu avait créé tout ça. Dieu avait créé pour ça. Ça devait travailler dans le corps physique d'Adam. Ça devait, en mangeant ça, en cultivant, il mange. Ça devait travailler. Et c'était des produits tout à fait naturels. Et tout ce que nous mangeons aujourd'hui, ce ne sont pas des produits naturels. C'est des produits chimiques. On cultive ça avec des engrais chimiques. On soigne ça également avec des produits phytosanitaires pour que ça... On les empêche de pourrir. Ils mettent également des produits chimiques là-dessus. Et vous mangez tout cela dans des étables. Le poisson est élevé et il y a toute manipulation scientifique. C'est ce que la Bible appelle les mains du roi. Et ça n'a plus véritablement... On parle seulement de la valeur nutritive. C'est pas seulement l'herbe que tu vois là. La nourriture que tu vois là n'a pas seulement les éléments nutritifs. N'a pas seulement les vitamines. A d'autres choses que vous ne pouvez pas imaginer. D'autres choses que vous ne pouvez pas imaginer. Pour les personnes qui ont peu d'attention pour les autres. Vous voyez, il y a un genre d'aliment, peu d'attention pour les autres. Ton mari a peu d'attention pour toi. Ce n'est pas seulement la prière, madame. Il faut venir à la retraite. On va faire, dès que tu es déjà inscrit, je fais une liste. Et quand tu vas commencer à prendre ça, tu vois, avec la puissance du Saint-Esprit, parce que tu es déjà né de nouveau, avec la parole de Dieu, parce que tu es déjà né de nouveau, tu vas voir dans ta vie comment continuer à partager. Parce que c'est des choses que le monde ne connaît pas. Ils savent seulement parler en langue. Les chrétiens savent seulement parler en langue. On a dit qu'il faut prier à minuit. À minuit, voici la prière que tu dois faire à minuit. Et ça n'a pas de sens. J'appelle ça connerie. J'appelle ça, et j'ajoute encore connerie, ça n'a pas de sens. Pas de sens, pas du tout. Quand tu fais ça à minuit, ou bien tu commences à lire telle somme, ainsi de suite. C'est des conneries, ça n'a pas de sens, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur spirituelle. Donc pour les personnes qui n'arrivent plus, excès d'activité intellectuelle. Vous êtes ministre, venez me voir. Vous êtes ministre, vous êtes directeur général, vous avez des trous de mémoire, vous êtes un chef service. Venez me voir, vous allez voir. Tout va changer. Tout va changer. Également, nous avons pour des personnes qui doivent organiser une activité ou planifier un projet. Permet de bien s'étiser. Quand tu consommes ça, quand tu bois ça, ça permet de conscientiser les informations de différentes sources et aussi de les intégrer dans un projet global. Et tout ça, ça se passe dans ton mental, à cause de ce que tu manges, à cause de ce que tu bois, parce que tu as la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit d'ajouter à ta foi la connaissance. C'est très important. Et lorsque vous arrivez, dès que vous inscrivez demain ou aujourd'hui, avant les 2 semaines, parce qu'il nous reste que 2 semaines, là, on commence à préparer. C'est pourquoi on dit qu'il faut s'inscrire. Parce que si vous inscrivez, on n'aura pas le temps. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Oui, bon, moi, je fais ceci, je travaille dans telle ou telle activité, et moi, je veux commencer à sélectionner tous ces produits avant de te les remettre. Voilà donc où est-ce que, pour les personnes qui doivent organiser une activité planifiée, et tout le monde organise l'activité, tout le monde planifie. Et cela est important, même les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu planifient, organisent des activités. Mais il arrive que tu es vraiment, tu ne sais même plus. Quand tu veux créer une entreprise, mais tu t'assois. Et là, si dedans ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher, si tu ne passes pas par ça, c'est très important. Et ainsi donc, pour des personnes enceintes qui sont sensibles émotionnellement, permet d'harmoniser le couple qui désire un enfant. Vous voyez, il y a des femmes qui pensent que seulement vous désirez un enfant, ce n'est pas seulement la nourriture. Je sélectionne tout ça que tu dois manger avec ton mari. Vous voyez, ça va ouvrir les trompes, ça va sanctifier, purifier. Vous pensez que la sanctification, c'est seulement spirituel. Non, non, non, c'est mettre à part. Ces aliments vont mettre vos trompes à part, vont mettre des aliments. Quand on dit, tu penses que c'est la viande avec de l'huile, tout ça. Non. Pour ces femmes-là et pour des couples qui désirent un enfant ou pendant la grossesse et même un enfant mâle ou un enfant ceci, très important, la Bible déclare que le peuple de Dieu périt faute de connaissance, par manque de connaissance. Et la Bible dit d'ajouter à ta foi, selon 2 Pierre chapitre 1 verset, je pense que c'est 2 Pierre chapitre 1 verset 5, d'ajouter, si tu trouves ce verset, il faut me l'envoyer tout de suite là. Il y a des gens qui parlent de foi, qui n'ont rien ajouté à leur foi. Ils n'ont rien ajouté. Et c'est pourquoi tu es stérile. Si ces choses te manquent, tu seras stérile, même si tu as reçu le Seigneur. La stérilité financière, matérielle, et aussi dans tous les domaines. Et il y a également pour les personnes désorientées, qui ont tendance à tout oublier, qui ont tendance à somnoler, pour les personnes maussades, ou qui sont renfermées sur elles-mêmes, mais aussi pour les personnes âgées, dévitalisées. Ça permet de retrouver une sensibilité. Une sensibilité. Quand tu commences à manger ou à boire, parce que tu peux transformer ça en jus, tu peux transformer ça en jus ou bien quelque chose de pareil. La nourriture. Donc, on sélectionne tout ça. On sélectionne tout ça. On te donne. On te dit, va, tu fais ça, tu fais ça. Tu fais ça pendant 2 mois, pendant 3 mois. Ça devient une vie pour toi, mais c'est fini. Les gens vont dire que tu fais la magie parce que... Les gens vont dire que tu fais la magie parce que d'habitude, quand tu commences à réussir, quand tout marche pour toi, la santé, les gens vont commencer à dire qu'il fait la magie. Quand tu commences à réussir dans les affaires, les gens vont dire que tu fais la magie pour retrouver confiance et espoir. Lorsque la vie est bousculante, pour retrouver confiance, pour rester centré, calme dans les moments de tension, de nourriture qu'il faut prendre. Il y a ce genre de fruits qu'il faut prendre. Donc ça, si tu ne prends pas ça, tu es toujours déboussolé. Pourtant, tu pries, tu jeûnes. Et quand tu pries même, tu jeûnes comme on te dit seulement va jeûner. Ça veut dire s'abstenir de manger. Votre jeûne, c'est ça, hein, s'abstenir de manger. Pourquoi Daniel, écoutez-moi, pourquoi Daniel va dire à l'intendant du roi, permets-moi pendant 10 jours de manger ceci, de manger cela. Écoute-moi très bien, de manger ceci, de manger cela. Daniel a mangé les légumes, les fruits, boire de l'eau pendant 10 jours. Et la Bible déclare que la santé que Daniel avait était pure, était terrible. Inscrivez-vous, voici le numéro que maman vient de mettre sur 00337-60-09-48-18. Par là, c'est le numéro des inscriptions à la retraite, à cette retraite qui commence le 15, dont je parlais de Daniel. Et vous voyez, pour des personnes donc qui n'ont pas de sens dans leur vie, pour retrouver confiance, espoir, lorsque la vie est bousculante également, pour rester centré, calme dans les moments de tension. On a toujours eu des moments de tension, mais on a toujours cru que oui, la parole va faire, la prière va faire ceci. Pour les personnes qui se sentent dépassées par des situations désespérées, que ce soit des situations financières, pour des dépassées par des situations dépassées, pour renforcer l'organisme lorsque celui-ci est faible. Tu ne vas pas renforcer l'organisme avec la prière. Non, c'est impossible. La prière, ça joue dans le spirituel. Mais physiquement, l'âme, la Bible dit, l'âme est dans le sang. L'âme va prendre quoi alors? Elle ne prend rien. Lorsque le rythme de vie est trop rapide et que les personnes se sentent dépassées, ça permet d'affronter l'agitation de la vie, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. C'est pourquoi il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. À partir de cette inscription, vous allez recevoir des enseignements, des révélations. Je vais vous révéler parce que ce que je suis en train de vous donner là, c'est vous dire que pour les personnes, et je veux vous donner tout ça, vous trouvez ça dans les marchés. Comme ici en Europe, ça existe partout dans les centres commerciaux, dans les magasins bio. En Afrique, c'est grave encore. Tout ça, et on va chercher un porc épic pourri, qu'on va manger avec le sang. On s'enfonce de plus en plus. On s'enfonce de plus en plus avec le sang. Or, la Bible dit de ne pas manger le sang. Vous savez pourquoi la Bible dit de ne pas manger le sang? Chaque fois que tu manges le sang, tu manges les animaux étouffés, tu manges ceci, tu manges cela, et tu pries qui va t'écouter. C'est ça le grand problème. Et ce séminaire, que ce soit à partir de demain pour ceux qui doivent arriver, que ce soit à partir du 15, je suis en train de vous révéler des choses que tu ne peux jamais entendre d'un homme de Dieu parlant de ça, parce que j'ai la connaissance. Selon 2 Pierre que j'ai donné tout à l'heure, beaucoup. Donc pendant la retraite, on fait la délivrance en profondeur du corps, l'âme et de l'esprit. Le corps, c'est ça. Le corps, c'est ça. Il faut recharger. Ce qu'on appelle également, ce que je viens de dire là, on appelle ça la cure de revitalisation au niveau du corps physique. La cure de revitalisation, dont la revitalisation dure en moyenne deux fois plus longtemps que la cure de désintoxication. De désintoxication, parce que la physique est aussi sale. Donc il faut revitaliser et ça permet de recharger. Donc on va recharger avec quoi? Ce n'est pas avec les prières. C'est pas avec la parole de Dieu, c'est le corps physique. L'âme et l'esprit se nourrissent également de la parole de Dieu. Mais ton âme également se nourrit de ce qu'on appelle aussi la nourriture. Et quel type de nourriture alors? Parce que l'âme est dans le sang. Et quand l'âme est dans le sang, ce qu'il prend dans le sang, c'est ce qu'il envoie également dans l'esprit. Et si ça ne marche pas, tu as donc des problèmes psychologiques, des problèmes de ceci, et même des problèmes de foi. Et c'est pourquoi je te donne rendez-vous par la puissance du Saint-Esprit ce matin à 9h au Temple Nation Yaoundé, au Temple Nation Paris, 8 rue des Gaillards au 95 140 Gage de Gonesse. Il faut nous écouter parce que ce que je dis là, c'est des aperçus, ça n'a rien à voir avec le lot des enseignements. Et si quelqu'un veut les recevoir à distance, tu appelles, tu dis je veux recevoir ces révélations, je veux recevoir. Si tu n'es pas en France, tu n'es pas, je veux les recevoir en profondeur, tu t'inscris parce que tu vas payer. Tu vas payer, moi je suis étudiant, tu vas payer. Je ne dis pas que tu ne vas pas payer, c'est pas là. Ce que je dis là, tu as déjà lu ça dans la Bible un jour? Ajoutez à votre foi la science. De quelle science il s'agit? Je veux qu'il y a des gens, avant de terminer, je vais lire parce que j'ai demandé qu'on m'envoie ce verset biblique. Il y a des gens qui ne savent même pas où ça se trouve. Et c'est pourquoi réellement d'autres viennent seulement pour critiquer. Ils sont très forts pour critiquer. Mais alors là, tu es mal tombé parce que moi, je connais la parole de Dieu. Je connais très bien la parole de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui prêche des âneries, des conneries qui n'ont pas de sens. Et donc, au chapitre, à cause de cela même, l'apôtre Paul, Pierre dit, 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. La patience, à la patience, la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que, en effet, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Quand il dit la science, il s'agit de quelle science? Vous, mesdames et messieurs, voilà la science, les aliments, pas des aliments, hein, des aliments, ce que nous buvons, vous buvez les jus, ce que vous appelez jus, ce sont des boissons mélangées avec des saveurs chimiques, les boissons mélangées avec des teintures, avec des choses qu'on vous appelle. C'est ça que vous achetez, vous dépensez tout votre argent là-dedans et vous êtes toujours malade, vous avez toujours des problèmes graves. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations, vous aurez tous ces enseignements, tous ces aperçus. Temple des Nations YouTube. Et également dans notre site www.lemondesurnaturel.net, et vous aurez également, vous vous abonnez sur, et nous avons notre application, c'est Canal Vie, Google Play, sur Play Store, vous allez sur Play Store, vous téléchargez l'application Canal Vie et vous aurez nos enseignements, vous aurez nos révélations, vous aurez beaucoup de choses en temps réel. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous attends demain d'une manière. Pendant la retraite, vous mangez bio. Vous mangez tout ce... Vous ne mangez pas n'importe quoi. Vous mangez bio. Vous êtes tout. Vous recevez des choses que vous n'avez jamais reçues. Parce que les gens font des retraites. Vous parlent seulement des prières, des jeûnes, des prières, des jeûnes. Et puis, quand tu rentres, tu meurs. Des maladies t'attaquent. Des démons même commencent à t'attaquer. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Soyez tout à fait bénis. Partagez encore cette vidéo. Partagez, et je vous donne rendez-vous demain à partir de 20h pour la gloire de notre merveilleux et Seigneur Jésus-Christ Nazareth sur nos réseaux. Partagez et abonnez-vous également sur la page Facebook où je fais des émissions Docteur Tsala Isomba. Il faut vous abonner, partager également, demander et inviter beaucoup de personnes. Parce que c'est notre façon d'annoncer l'évangile. La retraite ne reste qu'une semaine et quelques. Alors vous devez vous inscrire. Parce que si vous ne vous inscrivez pas maintenant, sur ce numéro qui a été donné, vous appelez ou bien vous passez par WhatsApp, vous appelez. Et c'est maman qui va prendre, il va vous dire, il va vous inscrire, vous dire ce qu'il faut faire. Et puis justement, et on commence à vous suivre avant le 15. Et on prépare déjà votre dossier. Vous allez repartir. Après ça, on continue également à vous suivre. Par la puissance du Saint-Esprit, soyez tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.